Donc, alors, on va attaquer sur le deuxième débat, donc, sur les animaux domestiques. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore la liste. Allô. Si je pouvais avoir la liste. Allô. Allô. Allô. Allô. Allô. Allô. Allô. Allô. Allô. Allô. Allô. Allô. Allô. Vous m'entendez les auditeurs? Oui, Gérard. Olivier, ouais, faut dire à Gérard d'y aller là. Mais ça y est, je suis, merde. Bah c'est Gérard, vas-y. Allô, Gérard. Allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, merde. Vas-y, Gérard. Moi, je suis là-haut là. Allô, allô. Je suis sur l'antenne là, qu'est-ce qui se passe? Max. Hey, y'a pas de son, merde. Qui touche le câble derrière? Je le câble derrière le micro. Touche le câble derrière le micro. Allô? Allô? Allô? On t'entend pas bien là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allô, c'est rare, mais. Allô, les auditeurs, vous m'entendez? Allô? Et en faisant, et comme ça, votre casque. Oui, on t'entend, Max. Allô? Oui. Allô? Oui? Allô? Moi, ça y est, on m'entend. Non, non, je peux pas même déjà tourner le micro. D'accord, là, tu vas te faire enculer. Oh, Gérard, Gérard, pas de gros mots, s'il te plaît. Je plus. Si t'avais dit ça, Gérard, ça t'aurait pas plu. Ah bah, ben, ça marche. Tu me fais pas le coup du micro de la semaine dernière. Gérard, Gérard, c'est mal, on t'entend. On t'entend. Plus. C'est bon, on l'entend, c'est bon, on l'entend, les enfants, c'est bon. Allô. Allô. Olivier, merci. On l'entend. Ça y est, je l'entends. C'est moi. Gérard, on t'entend. Gérard, écoute, c'est moi. Bonsoir. Bonsoir, Gérard. Attention. J'aimerais commencer par... Oui. Ça me fait plaisir de te parler, Gérard. Tu es mon idole. Non, pour l'instant, c'est pas toi que je m'adresse. Ah bon, mais c'est Lupus. Natacha, bonsoir. Bonsoir, Gérard. Marie, bonsoir. Bonsoir, Gérard, mon petit lapin en sucre. Ah ben, c'est bien, ça. Grosse caisse. Qui c'est, ça, encore? Bonsoir. Allô. Hop. Allô. Attends. Grosse caisse, bonne nuit. Allô. Bonne nuit, grosse caisse. Allô. Allez, bonne nuit, quoi. Non. Oh, Olivier. Ouais. Ah, grosse caisse ou quoi, là? Grosse caisse. Ah, je suis là. Bon, tu vois, ça marche. Bon, tu dis bonsoir, s'il te plaît. Salut. Ok. Stéphanie. Oui, bonsoir, Gérard. Eh, grosse caisse, tu as dégagé! Gérard? Mais j'ai pas de problème! Gérard, fais-toi un peu la petite tête! C'est un peu le bordel! Oulala, Gérard! Il y a également Michael avec nous! Non, mais fais-toi respecter, Gérard! Gérard! Bon, Lupus et grosse caisse dehors. J'ai un chien, un bulterrier. Mm-hmm. Et bah, il est très cool et bah, c'est hyper sympa. Quoi. Il s'appelle comment? Il s'appelle Max. Je suis désolée pour Max, mais voilà quoi. Non mais attends, c'est pas toi qui devais venir déjà à la radio? Bah si, non mais bon, je vais pas m'inviter quand même à la radio, et puis je pense pas que j'entrerai comme ça. Non mais attends, ça fait deux fois que tu poses des lapins à Max. Non, pas du tout. Gérard, je vais t'expliquer quelque chose. Non, mais ça fait deux fois que tu poses des lapins. La semaine dernière, tu devais venir. Cette semaine, tu devais venir. Stop, je ne connais pas Max personnellement. Je suis fan de Max depuis des années, mais je ne vais pas le faire chier à la radio ni à la loco. Non, mais de toute façon, Gérard, de quoi tu te mêles? Ouais, c'est vrai, de quoi tu te mêles? Pas tes affaires. Je pense qu'on peut être fan de Max, mais pas au point d'aller se faire chier à la loco ni à la radio. D'accord, je sais la cadeau de Stéphanie que j'ai là à l'antenne. Excuse-moi, Stéphanie. Mais c'est rien. Excuse-moi, Stéphanie. Bon. Donc, toi, t'as un chien. Oui, j'ai un chien, un bulterrier. Moi, j'ai un cochon d'Inde, il s'appelle Gérard à la maison. Je vais avoir un lapin et je vais l'appeler Médor. Mais bon, je suis désolée pour Max, hein, si c'est pas grave, pas c'est pas grave. Mais bon. C'est pas grave, Stéphanie, excuse-moi, Stéphanie, je sais qui t'es. T'inquiète pas. Excuse-moi. C'est pas grave. C'est qui? On veut pas. C'est la main de ma soeur dans un culotte d'un zouave. Mais tu connais pas de zouave, attends. Tu connais pas de zouave. Je connais pas mal. Gérard, écoute. C'est une caisse. Gérard, tu dis tout le temps que tu fous les lois, mais tu ne t'en connais pas. Oh là là là là là, grosse caisse. Ouais, c'est bon, t'as fait. Grosse caisse. Ouais. T'as pas joué avec la bouteille avant de venir, avant d'appeler. J'ai l'impression, hein. Bon, alors, grosse caisse, tu vas te réveiller, s'il te plaît. Ouais, mais je suis réveillé, je t'écoute, je t'attends. Bon, Marie. Oui, mon petit lapin. Ouais, mon sucre d'orge. Mon petit chéri, oui. Gérard. Oh, c'est toi, grosse caisse, s'il te plaît, je vais Marie. Quoi, hein. Grosse caisse, tu la fermes ou tu dégages? Ah, mais c'est chaud encore là, quoi. Si tu veux me poser des questions. Grosse caisse dehors, ça y apprendra. Bah, pose-lui une question, Grosse caisse. Et j'ai grosse caisse dehors. Ok, Gérard. Allô? Marie? Oui, mon petit lapin sucre. Ouais, mon sucre d'orge. C'est grosse caisse. Ça gueule pas, grosse caisse. Mais laisse grosse caisse parler. Si la question est. Non, mais pour l'instant, je m'adresse à Marie. Oui, mon petit lapin sucre. Pour l'instant, je m'adresse au nana, après, je m'adresserai au cum. Au cum. Ok, en demande en attendant. Les cum, vous voisins. Ok, en demande en attendant. Fermé. En demande en attendant. Merci. C'est grosse caisse. Grosse caisse, s'il te plaît, Marie, s'il te plaît, mon sucre d'orge. Alors, qu'est-ce que t'as comme animal chez toi? J'ai un chien. Et il s'appelle? Milou. Milou Gérard. Bah, pourri. Pour qui tu te prends, toi? Bah, attends, tu vas pas l'appeler Milou, c'est déjà pris. Bah, non, pourquoi? Bah, c'est déjà pris par les Kiliks. Voilà. Donc, qui c'est qui parle là? Oui, c'est Stéphanie. C'est moi, mon petit lapin en sucre. C'est Marie. Non, mais attends, Stéphanie, laisse Marie, s'il te plaît. Il y a Stéphanie. Est-ce qu'on a déjà mangé des côtes de chien avec des fèves? Eh, moi j'habite à la sauce béchamel. Du chien et c'est vachement bon, hein. Ouais. À la sauce béchamel, hein. Gérard? Oh, le coq, tu la fermes! Le chien, la moutarde, c'est bon, hein. Eh, les garçons, ils ont droit de parler un peu? Non, Marie, non, tu... Marie, tu voulais me poser une question? Oui, je voulais te dire, est-ce que tu as déjà mangé des côtes de chien à la sauce béchamel? Non, la moutarde, c'est bon. Ah, non, pas du tout, j'aime pas le chien. Ah, j'aime pas manger du chien comme ça. Stéphanie, tu voulais me poser une question? Oui, non, je vais te dire, moi je t'ai jamais posé de lapin encore, je crois. Non, mais attends, c'est pas pour toi que je te dis ça, hein. Oui, non, mais je sais, non, mais je te demande. Jusqu'à maintenant, j'espère que tu m'en poseras jamais. Non, mais parce que je compte sur toi pour vendre. Est-ce qu'on peut revenir au débat, s'il vous plaît? Oui, mais attendez, Et moi j'aimerais bien parler, moi. Qui c'est? C'est Lupus. C'est Lupus. Ah, parce que j'ai pas parlé. Ouais, moi je voulais dire, les animaux familiers, c'est vachement chouette. Moi j'ai eu un aigle et mon père il élève des chameaux domestiques. Et les chameaux c'est vachement bien et c'est vachement affectueux et je trouve qu'on opprime vachement les chameaux. Et j'aimerais parler de la lutte anti-opprimation de chameaux. C'est vachement important et d'ailleurs Gérard c'est notre figure de proue, hein. Sur tous les tracts de la lutte anti-chameaux, non, anti-opprimation des chameaux. On ne peut pas moi j'ai pas parlé encore. Ben attends, c'est toi qui viens de parler. Alors je vais dire une chose. Eh, on t'a jamais. Non mais c'est grosse caisse. Bon allez hop. J'ai pas parlé encore. Lupus dehors. Mais c'est pas moi, c'est grosse caisse. Non, non, non, c'est Lupus. Je viens de l'entendre. Mais non, c'est grosse caisse exprimée, Vera. Moi je dis une bonne côtelette de moustique, y'a que ça de vrai. Ah oui, c'est bon. Qui c'est qui dit ça? C'est Johanna. C'est Natacha. Mais moi, je peux poser une question. Vas-y. C'est grosse caisse. Je voudrais savoir à quoi ça sert un animal domestique, c'est carrément inutile. Eh, ta connerie, elle sert à quoi? Voilà, c'est carrément inutile, regarde, ça coûte de l'argent, moi je préfère, quand on m'en offre un, je préfère carrément l'abandonner sur la route ou un truc comme ça, tu vois. Non mais alors, attends, attendez, moi je vais répondre à Grosse Caisse. Alors je vais dire une chose, si t'as 7 ans. Non, mais je vais te dire. Ouais. Grosse Caisse, s'il te plaît, je te réponds. Ouais, vas-y. Alors je vais te dire une chose, un animal. Ouais. Quand t'en as un, c'est quoi? C'est pour l'abandonner sur le bord de la route, c'est pas la peine. Non, mais tu n'aimes pas les animaux. Gérard, tu n'aimes pas les animaux. Mais t'as mal compris, laisse-moi t'expliquer. On arrête. Justement, là, on parle d'abandon. On a un sondage sur... Gérard, tu fermes? Sur Minitel, il y a un sondage. Bon, tu dégages, je peux voir ce que le sondage me dit, d'accord? Vas-y, Karine d'abord, et après sur Minitel, il y a un message, effectivement. Ouais, on a des petits sondages, et le premier sujet que Manu va te lire, ça concerne justement l'abandon des animaux. Fais voir, Manu, s'il te plaît. Tu veux lire? Je vais l'annoncer. Vas-y. Donc, alors... Bon, tu dégages, s'il te plaît, j'ai pas besoin de toi. Tu me les sors tous quand je dis d'après... Non mais Gérard, que je termine au moins ce que je voulais dire, quoi. Mais c'est trop bien terminé. J'ai abandonné parce qu'on m'avait offert, une fois c'était ma fête, on m'avait offert un ver solitaire. Et j'étais obligé de l'abandonner et ça m'a un peu fendu le cœur. Tu te tais, grosse tête. Mais putain, mais merde, je suis... Dégage. Non, moi ce que je voulais dire, Gérard, c'est Natacha. Grosse dehors. Vas-y Gérard, le sondage, là. Bon, alors... D'après ce que j'ai sous les yeux. Natacha, Marie et Stéphanie. D'accord. Vous m'écoutez, s'il vous plaît. Tenez-vous deux minutes. Il y a que ces trois-là que je veux entendre pour l'instant. Et qui vont répondre sur la première partie du sondage que je vais dire. Alors, suivant les renseignements pris par la SPA, sur la population totale de la France, 15% des personnes possèdent un animal, l'abandonnent, mais 2% pensent que même alors laisser une gamelle. Alors Gérard, tais-toi, c'est pas sonné. C'est grosse caisse. Sur Minitel, il y a... Oui, j'ai le même sondage, j'ai pas les mêmes chiffres. Non, mais c'est pas une petite intéressante, Gérard, il a le même sondage. Moi, j'ai le même sondage, mais c'est seulement 0,5% qui pense... Mais lui, arrête sondage, il est apparemment un petit peu différent. Écoute ce qu'il a dit. Bon, dégage. Arrête, dégage, c'est ma mère. Gérard. Oui. Gérard, c'est Marie. Gérard. Marie, je t'écoute. Marie, s'il te plaît, je voudrais connaître ce que Grosse Caisse a à dire, s'il te plaît. Parce qu'il a un sondage. Ouais, mais Gérard, j'ai le même sondage que toi, on doit avoir les mêmes sources. Alors, maintenant, je réagis à merde. Et alors, c'est pas 2% à la fin, je crois que t'as mal lu, c'est 0,5. Non, c'est 2%, c'est pas gros cul. Non, moi, je te mettais pas les yeux. Bon, allez, dégage. Mais non. Dégage. Mais, attends, mais... Marie, tu veux réagir? Oui. Alors quelle est la non mais c'est bon, je voulais écouter ce que Grosse Caisse avait à dire. D'accord. Que c'est 0,5. C'est toi le Grosse Caisse. Mais non mais Grosse Caisse, tu viens faire. Personne n'a retrouvé mon verre solitaire. Ouais, et personne n'a retrouvé ta connerie. Bah si. Ta connerie, elle est en train de se faire bouffer, elle est par les poissons. En de bon entendeur, salut pour toi. En de bon entendeur, salut pour toi. En de bon entendeur, salut pour toi. C'est pas moi. Bon, sur Minitel. Stéphanie. Non mais attends, sur Minitel, il y a quelqu'un, il y a Mulder. Qui dit, écoute, moi j'avais deux chiens Gérard, je trouve ça bien, j'en ai abandonné un dans la forêt, je trouve ça super bien, et l'autre sous le pont de l'Alma. Je répondrai pas à cette question-là parce que il me semble que j'avais bien précisé qu'on arrête cette histoire de pont de l'Alma, d'accord ? Moi ce que je voudrais dire, c'est qu'on arrête de parler. Oui, j'ai une longue bande de route. Gérard ! Oh, grosse chasse, ma bonne merde ! Gérard, c'est le plus. Ouais, Gérard, c'est standard. Gérard, arrête de crier, Gérard. Putain, vous me faites chier, hein, standard. Tiens. J'ai quelqu'un qui a mangé sa boisson rouge. Dégage. J'ai votre stress, vous me direz. Ça y est, il est parti, Gérard. Gérard, parti. J'ai quelqu'un qui te demande, il a mangé ses poissons rouges, il te demande si t'es d'accord avec lui. Je trouve ça bien. Bon. Alors maintenant. Oh, d'accord. N'écoute pas. L'histoire des poissons rouges, pour l'instant, j'en suis pas là. Est-ce que c'est vrai que tu ferais des trucs avec des caniches dans les chiottes à la loco? Je répondrai pas là-dessus. Hop, on a un entendeur, salut. Stéphanie. Oui, Gérard. Alors pourquoi, suivant, d'après ce que j'ai sous les yeux, suivant les renseignements pris par la SPA, sur la population totale de la France, 15% des personnes possèdent un animal, l'abandonnent, mais 2% pensent quand même à leur laisser une gamelle. Alors qu'est-ce que t'en penses, toi? Non mais déjà moi je trouve dégueulasse de prendre un animal pour l'abandonner après. Bah, c'est clair, il y a des chameaux qui sont abandonnés, c'est incroyable. Des chameaux sur la route. Hey, pour l'instant. Attends Stéphanie. Oui. Pour l'instant celui qui répond. J'ai viré Grosse Caisse et on accueille Guigui à la place. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Ça va, Guigui? Je voulais juste revenir, c'est possible, parce que j'ai entendu, je sais plus, il y avait 0,5. C'est 2%, abruti. Mais attends, t'énerve pas. C'est 2%, abruti, et pour l'instant, c'est pas toi qui as entendu. Attends, j'ai entendu 0,5 et toi tu dis 2, alors ça va, ça va. Tu vas le fermer quand je parle. Dans mariage, c'est 0,5. Gérard, arrête de gueuler. Gérard. Allô? Gérard. Ouais, c'est Guigui encore. Allez, Guigui dehors. Gugu dehors, ça y est, on arrête. Non, Guigui. Gugu dehors, non, Guigui, G8. Allez, hop dehors. Mais Gérard, laissons, qu'est-ce qu'il a à dire? Ça, c'est intéressant. Non. Non, mais j'arrête de marcher dessus, la merde. Moi, j'ai des choses intéressantes à dire, c'est un gros problème, personne ne m'écoute. Écoute-le. Non, mais pour l'instant, c'est pas ça. Moi. Tu veux réagir et tu veux être bête pour le dire, mais. Ouais, il y a une question minitale, je voudrais bien l'entendre. Ouais. Alors, il va la fermer. Ouais. Ton minitel, il parle donc. Ouais. Ça y est. Alors c'est Guigui. Ah, tu la fermes. Mais non, mon tu me poses la question minitel. Moi j'ai un autre sondage. J'ai un autre sondage qui dit que 33% des cochons d'Inde sont sodomites. Ton quoi? Sodomites. C'est pas vrai. Mais oui. Moi, ça m'étonne. Je te promets, à condition d'avoir le shutter trap. Il y a quelqu'un qui a fait piquer son chien avant de l'abandonner. Il l'a abandonné mort sur le bord de la route parce qu'il voulait pas regarder la télé avec lui. Il a raison. Bah oui, il a complètement raison. Moi, je trouve qu'il a raison. Mais pourquoi faire des dépenses inutiles à le piquer alors qu'il peut l'abandonner vivant? C'est clair. Mais moi, je dis, Gérard, est-ce que c'est vrai que tu joues à pouce caca avec les dromadaires? C'est vraiment pas sympa. Il est parti. Dehors celui-là. Gérard, c'est vrai que tes parents ont hésité entre t'abandonner toi ou leur chien sur le bord de l'autoroute et qu'ils t'ont laissé toi Qui c'est qui pose cette question? C'est Natacha. Alors Natacha, bonne nuit. Okay. Là ça va t'apprendre. Tu vois, j'ai pas l'habitude de virer des nanas. Oh, mais non, tu dégages. Bonne nuit Natacha. Mabrouk, Marie. Marie, je t'écoute. Est-ce que t'as déjà eu un animal, toi, domestique? Est-ce que t'as déjà eu un chien, un âne, un chat? Qu'est-ce que t'as déjà eu, toi? J'ai déjà eu un chat chez moi. Bon, à chaque fois que je descends de téléphoner, le chat me suit. Il s'appelait Calin. T'as déjà eu une chatte? T'as déjà eu mon poing dans ta gueule? Oh non, Gérard, mais les feux, les gens, c'est cool. Il y a Zaroaf, ce militaire qui a perdu son morpion, il demande à Gérard si tu l'as pas vu. Non, mais attends, pour l'instant, je m'adresse pas, je réponds pas comme ça. Gérard, est-ce que à la place de Mickaël, tu peux accueillir sur l'antenne à de bon entendeur? Salut. Bonsoir. Dans un bon entendeur, bonsoir. Salut. Bon, moi j'entends des choses sur les animaux qui me font pas trop plaisir. Ouais. Donc, ça me fait pas trop plaisir. Et j'aimerais remettre un petit peu d'ordre dans tout cela. Oui. C'est vrai que l'abandon des dromadaires, c'est quand même dramatique. Et je veux dire, les dromadaires dans un loco, c'est pas grave. Et tu trouves pas, par exemple, que les hamsters sodomites, c'est dramatique? Moi, je trouve que c'est un vrai problème. Laissez-le, s'il vous plaît. Allô? Karine, s'il te plaît. Karine. Tu me gères tout ça? Bon, alors, Marie. Oui. Donc, alors, pour toi. Oui. Et je veux dire, t'as déjà fini avec un enfant? C'est pas un plaid pot de chambre! Mais je vois pas le rapport avec les enfants, et je te fais dire. Tu me le vires. T'as déjà foutu un oursin sous le lit? J'adore celui-là. C'est n'importe quoi. On fout des moutons sur lui d'abord. Non, mais il est toujours là. Gérard, reviens un peu sur le débat là. Donc, bon, Marie, pour en finir avec le sondage que j'ai sous les yeux avant de continuer les questions. Oui. Donc, pour toi. Donc, qu'est-ce que t'en penses? J'entends rien du tout. D'accord. Ok. J'ai pas très bien compris l'histoire du sondage animalier, là. Oui, c'est vrai. Non, mais pour l'instant, toi, le com, tu la fermes. De bon entendeur. De bon entendeur, salut. Tu vas retourner au sondeur. Salut. Bon, exactement. Moi, sur le sondage, c'est Guigui, là. En fait, le sondage est complètement biaisé parce que c'est S'il vous plaît. Voilà. Merde, qu'est-ce qu'il me fait, lui, à l'arrière? Je demande au mec de se calmer. Gérard, calme-toi, putain, détends-toi. Remets ton casque, Gérard. Écoute ce que te dit Max ou Manu, je sais pas qui c'est qui est pas. Et une fois, j'ai adopté un bouc. Toi, pour l'instant, je suis pas avec toi dans le sondage, ok? Gérard. Je suis avec Marie. Oui, Gérard, respire un grand coup. Alors, vas-y, dépêche-toi parce que j'attaque la prochaine question. Oui, vas-y, c'est quoi la prochaine question? Vas-y. Gérard, excuse-moi, 30 secondes. Oh. On accueille Garfield à la place de Natacha. Non, mais attends. C'est pour avoir les mêmes lascars qui changent de nom sans arrêt. Mais non, rien à voir. Attends, vous allez me prendre des... Dis-lui bonjour, Gérard. Après, on verra. Gérard, je suis une fille. Voilà. Allô, c'est une fille. Allô. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Là, j'aimerais vous demander un conseil parce qu'il y a un problème là. Là, j'ai teasé comme un malade. Et il y a un éléphant à tête de koala devant moi et j'aimerais savoir si je peux le tuer ou non, ou si c'est une période en voie d'extinction. Essaye de discuter d'abord, essaye de lui parler, de le caresser. Il comprend rien là, il a déjà commencé à bouger. Il a l'air agressif, il commence à se manger là. On revient pas à l'étude, je lance la prochaine question, parce que là pour l'instant... Je demande aux nanas de répondre. Pour l'instant, t'as un mec qui saute par-dessus tout le monde, qui veut en savoir plus. Guigui est parti, Arnaud est à sa place. Ouais, salut, c'est cool. Ouais, comme par hasard, c'est encore les mêmes. Non, presque pas. Je reconnais pas les voix. Il y a un écho. Merci, Olivier. J'y peux rien, j'ai pas d'écho. Non, t'entends rien, toi, dans les oreilles. Jésus, occupe-toi de nous. Si, j'ai des poils. Vous me donnez des noms. Bonjour, bonjour, d'abord. Je sens que tout à l'heure. C'est quoi là, les boutons? Ok? C'est quoi là? Bah, j'ai éteint l'insert. Ouais, bah alors moi j'arrête. Non, mais non. Gérard, reprends le débat un peu. Non. Pourquoi? Mais tu me demandes de couper un cerf, j'ai coupé un cerf, je peux le remettre en route. Tu mets ta poulet là, ça va se manger la merde. J'éteins tout. Bon allez, moi j'arrête. Bon Gérard, allez. Arrêtez. Allô? Oui. Bon. Allô, c'est Max. Oui. Bon ouais, Gérard. C'est Max, ouais, vachement, ouais, puis moi je suis la bonne. Gérard. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu vois, ça marche. Non mais attends, pour l'instant l'autre tu vas venir faire l'aria parce que là pour l'instant il est en train de jouer avec les boutons et j'ai des sons de tous les côtés. Bon Gérard, putain on va prier maintenant, merde. J'ai rien fait. Oh au standard là. Putain mais avancez dans le débat. Mais pourquoi ils mettent des stagiaires à la réalisation? Ouais exact. Gérard. Remets ton casque Gérard. Gérard, sur Minitel, il y a quelqu'un qui te demande, il y a un coussin à côté de lui, il te demande si il veut le tuer ou pas maintenant là pour le bouffer, il a faim. Non, de toute manière, quand t'arrêteras de faire tes conneries, toi tu me feras signe, d'accord? Gérard, tu l'enlèves les poils avant. Gérard, prends-toi, tu la fermes. C'est dommage qu'ils prennent des stagiaires à la place des animaux. Gérard, c'est Stéphanie, on reprend le débat, s'il te plaît. Ouais, ben, je vais essayer, si c'est pas le bordel avec les bandes d'abrutis. Bon, alors pose une question. Tu vois? Stéphanie, je sais pas si t'entends. Oui, mais si, j'entends, hein. Tu vois? D'ailleurs, je pense que je vais pas finir à 4h du matin. Mais bon, allez, faut se calmer, faut se détendre. La panne, alors là, c'est une question. C'est malheureux parce qu'on peut pas. Vas-y, Gérard. C'est quoi la question? On peut appeler ça une question. Oui. Ouais. Allez, ouais, pensez-vous que la femme est-elle un animal? Non. Bah alors. Alors, qui est contre? Moi. Non mais attends Stéphanie, pour l'instant, au standard s'il vous plaît. Moi je pense que c'est un animal. Vous allez me refaire une fiche propre, avec des noms corrects. Gérard, tu dis ça parce que t'es sorti avec tes chiennes ou t'as rien non, à voir? Non, alors toi, pour l'instant j'ai reconnu ta voix, tu dégages. C'est clair et net. C'est impossible. Et précis. Bon alors, t'inquiète pas, tu crois que je t'ai pas reconnu là? Mais non, c'est impossible. Ouais, tu te ferais pas passer Vas-y, Cosmar. Ouais. Ça va pas, tu préfères passer par David, Tony ou Arlette? Ah, c'est lequel des trois, lesquels? Ouais, tu ferais pas passer par Arlette? Ah non. Perdu, voilà. Ouais, mais c'est passé par David. Alors comme par hasard, j'avais prévenu, pas les mêmes. Alors dans ces cas-là, ça va être simple, ça va être les derniers débats que je perds non, avec... Non, Gérard, tu te trompes complètement, Gérard. Oui, bon, Gérard. Bon, ouais, au standard, vous me direz les mêmes. Non, Gérard, ta question est intéressante. On va se calmer un peu là, au standard. Gérard, ta question est intéressante. Ouais, ben, la question est intéressante. Hein? Je pense que ça mérite une réponse. Voilà. Alors, qui va répondre? Qui va répondre? On va mettre un disque. On va laisser réfléchir. Ah non, pas de disque, non. Alors, Stéphanie, tu veux répondre? Vas-y, Stéphanie. Oui, bah oui, bah moi, je pense que... Non, enfin non, moi, je dirais pas que la femme descend de l'animal, mais bon, en fait... Non, mais je... Crois-tu... Oui et non, parce qu'en fait, l'homme descend du singe, d'après ce que je... Oui, bah ça, la différence qu'il y a entre les singes et les rats. C'est pareil. Les singes, ils ont évolué. Gérard, c'est Gérard. Pareil, l'homme ou la femme, de toute manière, on descend tous. Ouais. Gérard, j'en veux répondre. Du singe, pas vraiment. Oui, vas-y, réponds. Ouais, j'ai répondu. Non, pousse la carte. Non, mais Marie. J'essaie pas de dire aux mecs qui sont tombés pour pas qu'elles se reconnaissent, hein. Non, moi, je rappelle les gens, Gérard. Je t'ai rappelé plein de gens, Gérard, je vais essayer d'annoncer au fur et à mesure, ok? Donc, Bon, Gérard, on débat un peu. Gérard. On va faire la pause. Non, Gérard, j'ai envie de répondre. Qui? C'est Marie. Non, mais attends, pour l'instant, je suis avec Stéphanie. On a une nouvelle liste, on a plein de nouveaux gens. Vous allez répondre. On va se calmer un peu. Tu peux m'écouter deux secondes? On a une personne, un responsable de la SPA, c'est monsieur Bilalian, et on a de nouveaux auditeurs. Ok? Bon, alors on va prendre. Non, mais... Donc la question, c'est quoi, Gérard? Tu répètes la question? Gérard. Attends 5 minutes. Non, mais tu fais de la radio, là, je te rappelle. Tu vas faire ça pendant la pause, on va envoyer. C'est les noms qui sont sur la feuille que je viens de te donner, Gérard. Donc on va accueillir Ragout Toutou. Ouais, c'est Ragout Toutou, le ragout de tous les toutous. Ouais, c'est ça. Qui t'es, toi, s'il te plaît, pour l'instant, je t'ai pas appelé. Graphiel. Allô. C'est Garfield, Gérard. Oui, Garfield. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Bonsoir. C'est une femme. Et une femme. Une femme. Dani. C'est un animal. Dani. Ouais, Johnny, je sais plus comment je m'appelais, parce qu'avec tous ces changements de montée, non, c'est moi. Non, attends, Johnny, c'est pas reconnu, presque pas. Non, c'est zéro. Vas-y. Non, c'est un habituel. Elodie. Oui, Vera. Bonsoir. Monsieur Vidalian. Enfin, monsieur Gérard, je voulais juste vous dire, donc je suis un des responsables de l'ASPA, s'il m'était possible de parler avec vous, mais sans tous ces petits jeunes, car j'ai quelque chose à vous dire. Ouais, ben, Non, dans ce cas-là, monsieur Bilalian, si vous voulez pas faire partir du débat, vous rappelez un peu plus tard. Non, mais le problème, monsieur Gérard. Rappelez le débat, monsieur, s'il vous plaît. Votre débat est très intéressant, mais malheureusement, tout le monde prend ça. Bilalian dehors. Je ne veux pas pendant le débat. Gérard, c'est un responsable de l'ASPA. Ouais, non, mais. Attendez, monsieur, c'est dommage. Mais moi, il ne veut pas poser des questions. Mais monsieur, bien au contraire, J'ai des chiffres à vous donner et je voulais juste vous dire que, suivant les renseignements pris par la SPA sur la population totale de la France, 15% des personnes. Oh, il se calme, lui. Merci. Possédant un animal de la bande. Ah, monsieur Bilalian, vous retournez au standard, merci. Mais 2% pensent quand même que on les laisse avec une gamelle. Monsieur Bilalian, vous allez au standard. Alors, suite à ça, bien entendu, il y a eu des statistiques. Dehors. Stéphanie. 13 cochons d'Inde et 3. J'ai coupé. 13 cochons d'Inde et 4 lapins ont été abandonnés quand même, injustement, sur le bord de l'autoroute et les périphériques. Portant de la porte d'Auteuil à la porte d'Italie. La merde. Alors on a noté bien entendu qu'au mois d'octobre, les agriculteurs de carottes, je suis avec un phoque, excusez-moi, étant en grève, plus de 25% des lapins ont donc été délaissés et sont morts de faim. Mais fort heureusement, le parc zoologique de Suresnes a retrouvé un Gérard, 30 secondes, tu m'écoutes? Oui. Gérard, écoute-moi 30 secondes. C'est moi, c'est Manu, là, regarde-moi. Gérard. Monsieur Bilalian, pour l'instant, j'ai demandé à ce qu'il sort. Gérard, ne crie pas, écoute-moi 30 secondes. On va mettre un disque. 30 secondes. Tu vois, on va mettre un disque. Non. Tu vas me dire ça à tout à l'heure. Allô. Non, je dis maintenant, monsieur Bilalian. C'est le même sondage que tu as, Gérard. Regarde-le, on te l'a donné tout à l'heure. Non, mais monsieur Bilalian, j'en ai rien à foutre. Pour l'instant, il va pas me prendre la tête. Il veut pas parler sur l'antenne. Allô. Voilà. Monsieur Bilalian. Monsieur Gérard. Non, mais pour l'instant, vous voulez. Je veux vous dire. Non, mais monsieur, attendez. Mais bien sûr, je veux parler sur l'antenne. Attends, vous ne laissez pas les gens. Monsieur Bilalian, attendez, on va mettre un disque. Vous laissez pas les gens parler aussi. Hein. Non, mais pour l'instant, vous allez vous la fermer. Je tenais juste à vous dire que le parc zoologique de Suresnes a retrouvé il y a deux semaines quand même 23 chiens qui ont été abandonnés, mais Dieu merci, ils avaient des colliers, numéros de tatou autour de... Dehors, Bilalian. Je veux plus lui. Donc on va écouter les marcassins. L'institut de sondage. Les marcassins sauce-tête avec petite pellation. D'accord, et c'est quoi la question? Rappelle la question quand même pour que les gens puissent y réfléchir. Et les femmes est-elle un animal domestique? On va à... Donc la question, les femmes est-elle un animal domestique? Voilà, et à la place de monsieur Bilalian, je voudrais qu'on garde Marie, s'il vous plaît, au standard. Ok. Donc la suite du débat de Gérard, vas-y Gérard. Donc c'était les marcassins. Non, tu me laisses la porte ouverte, s'il te plaît. Je laisse la porte ouverte, s'il te plaît, j'ai pas d'air. Non, il y a rien. C'est bon, Gérard, on ouvrira tout à l'heure quand il sera chaud. Faudra y aller. Bon, on accueille Ragout. Oh, le cochon. Bon, et Oh, Karine, s'il te plaît. Non, arrête-toi, tu dis pas avec ta caméra devant. Parce qu'en l'eau standard, je voudrais bien que... C'est parce que je leur disais qu'on y allait, c'est pour ça. C'est moi. Déjà, lui, tu vas le calmer, il fait pas le port. Oui. Okay. D'accord. Il se calme. Bon, alors, Ragout. Bon, et toi déjà, tu mets ça le bordel. Oui, non. Tu m'appelais, Gérard. Tu joues pas comme ça. Tu joues pas comme ça, merde. Bon, Gérard, Ragout toutou, apparemment, tu voulais me parler. Bon, pour un tour, je te dis bonsoir. Alors, moi aussi, je te dis bonsoir. Ok. Monsieur Bilalian. Grâce-Piède. Allô. Allô. Qui c'est qui dit allô là? Oui, c'est moi. Allô. Oui, bonjour. Louis Mazur à la place de Bilalian. Oui, bonsoir. J'ai cru comprendre que vous aviez mon... Allô, bonsoir. Marie, elle a raccroché. On a Élodie à la place de Marie. Oh là là. Voilà, oui, celui qui s'est mis en place. Bonsoir, et depuis tout à l'heure, je me calme. Dis-lui, allô. Allô, m'entendez-vous? Moi, je t'entends. M'entendez-vous, ça? Je gueule. Oh, non, ta gueule, tu dégages. Hop. Oui, m'entendez-vous, allô? Oui, c'est monsieur Mazur à l'appareil. Vas-y, monsieur Mazur, tu dégages. Bon, écoutez. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, Bruno, pourrait nous expliquer un peu ce que tu dirais de France 2, ok? Allô? Vas-y, Mazur, vas-y. Non, mais c'est Louis Mazur. Monsieur Mazur, Louis Mazur. Mais c'est quoi ce cirque? qui c'est qui s'amuse avec un tic-tac là? Allô? Gérard, mais prends ton choix et reviens au débat. Allô, ici monsieur Louis Mazur. Est-ce qu'il serait possible de prendre l'antenne, s'il vous plaît? Ça va être dur, hein? Allez. Allô? Allez-y, monsieur Louis. Ah, merci. Monsieur Gérard. Allô? Écoutez, je suis un des collègues de monsieur Billet-Lyon que vous avez eu au téléphone. Non, c'est pas vous que je m'adresse, d'accord? Non, mais attendez, il y a trois minutes que vous avez eu. Que je m'adresse? Mais ça n'a... Ce n'est pas à vous que je m'adresse, Ce n'est pas la peine de braire. Elle est plus électrique, là. Monsieur Gérard, est-ce qu'on peut s'exprimer? Merde! Monsieur Gérard. La ferme! Non, c'est monsieur Mazur. La ferme! Non, monsieur Mazur. Bonjour, il a déjà été viré. Oh, ben normal, Mazur dehors encore une fois. Oh, le standard! Manu, merde! Gérard, arrête, merde! Manu! Gérard, je prends de nouveaux auditeurs, comme tu me l'as demandé hors antenne, alors, hein? Bon, alors. Garfield, Gérard. Oui, excuse-moi. Ben, je t'en prie, c'est pas grave. On peut laisser parler monsieur Mazur ou. Non, non, pour l'instant, il est parti, donc, Denis. Vas-y, enchaîne, animal. Si t'es pas content, Denis, tu vas gerber vite fait, bien fait, toi aussi. Gérard, c'est Stéphanie. Attends, Stéphanie. Bonsoir, Elodie. Stéphanie. Gérard, bonsoir. Elodie, bonsoir. Bonsoir, Gérard. Et Stéphanie. Oui. Ouais. Oui, ben, reviens au débat, s'il te plaît. Gérard. Oui, ben, voilà, donc... Gérard. Je suis entouré de femmes. Gérard. Non, mais attends, Gérard, je vais dire, Louis Mazur, on a Poulain à la place. Salut, c'est Poulain, ça va? Salut Poulain! Vous allez bien? Ça va? Ouais, c'est le feu là ce soir. Ouais. Ah, c'est le feu, c'est la terre. La question c'était quoi? La question c'est quoi? Gérard, avant la question, on accueille Jérémy à la place de Ragout. Gérard? Ouais. Ça va? Bonsoir Jérémy. Salut Chat. Bonsoir Jérémy. Tu restes poli s'il te plaît avec les nanas. Attends, Chat, c'est un nom d'animal, hein? Non, pour l'instant tu restes poli s'il te plaît. C'est pas grave, ça nous plaît Gérard. J'avais plein de choses marrantes à dire, mais je vais pas les dire parce qu'il fait tard. Bon, pour l'instant c'est pas Rémi qui va faire le débat, c'est moi. Bon Gérard, la question. Allez, bon, Gégé, on t'aime bien, mais on va finir par se lasser quand même. Gérard, à 6h, on y est encore. Hein. Gérard, c'est Elodie. Oui. Je vais poser une question. Si tu devais te transformer en un animal, qu'est-ce que tu choisirais? Je choisirais un âne. Un crapaud. Un gorille. Je choisirais un lapin. Un lapin? Sans la peau. Voilà. Pourquoi? À cause des grandes oreilles. De manière, c'est... T'as un rapport à ta façon de faire l'amour, c'est ça? Non, parce que... T'as les doigts en avant? Non. Parce que... Qui c'est qui a posé cette question-là? C'est Poulain. Non, c'est pas Poulain. Désolé, c'est une femme qui a posé... Non, c'est Poulain. Non, Poulain, tu la fermes pour l'instant. Attends, j'ai 16 ans. T'as 16 ans, alors tu dégages. Putain. Bonne nuit, je veux pas des mecs de 16 ans. Allez, hop. J'ai besoin. Allez. Oh, fais-moi l'amour. Fais-moi l'amour. Fais-moi l'amour. Fais-moi l'amour. Fais-moi l'amour. Non, mais attends, tu me dis ceux qui mettent la musique, d'accord? Ok, Gérard. Ça y est, c'est lamentable, hein, au standard. Ouais, je crois que tu t'amuses trop avec le téléphone, toi, hein. Avec Arnold, tu le fais moi, hein. Ouais. De toute manière, tu as laissé Karim faire le standard un peu, là. Je crois aussi. Ouais. Tu me laisses. Bon, alors maintenant que ce problème est résolu, Gérard, on va revenir sur le débat. On revient sur le débat, Gérard, parce que là, je crois que tu... On va laisser le standard à la soupette. Gérard, allô. Gérard, tu reviens sur le débat maintenant. Allô. Allô, bonsoir, c'est monsieur Mazur. Oh, Mazur, je suis la ferme, on t'a dit de dégager. Bah, écoutez, je sais, on m'a raccroché au nez, j'ai rappelé. Non, Gérard, le débat. Ça fait 10 minutes que t'as commencé, il n'y a pas eu une question. Ouais, mais il n'y a pas eu une question, pourquoi? L'autre, parce que je ne fais pas respecter. Parce que c'est toi, Gérard. Parce que je ne fais pas respecter, Gérard. Gérard, bon. C'est ton débat, maintenant tu poses ta question, on y va. Il n'y a personne. En fait, c'est toi qui prends le standard. Mais Gérard, il n'y a pas un bruit à l'antenne, vas-y, pose ta question. Les femmes sont-elles... Les femmes est-elles un animal? Alors, je vais poser, je vais demander à... Je souhaiterais 2 secondes revenir au sondage précédent. Le sondage, tu dégages! Non, il n'y a plus de sondage, ok? Alors, 2% des gens pensent quand même à laisser une gamelle aux animaux abandonnés. Dehors. Tu être avec une fille? Oui, lorsqu'ils sont abandonnés, sur quoi là, nous sommes d'accord, ils sont dehors. Mais il sort d'où, lui? Il est avec quelqu'un. De dehors. Ouais, c'est pas moi. Allô, m'entendez-vous? Non, mais dégage. M'entendez-vous? Rapide. Oui, monsieur Mazur, à nouveau. Bon, je voulais simplement... Rapide! Picard. Je voulais simplement vous dire pour faire avancer le débat. Je voulais simplement vous dire pour faire avancer le débat. Attendez-nous. Oh, tu me le sacs ou quoi, lui, là? Mais Donia. Bon, c'est le débat. Il sort d'où, lui? Alors, de dehors, hein, justement. Bon, alors, je voulais juste vous préciser que 2% des gens. Non, il empêche Gérard de poser la question, là. Là, faut le couper, là. Ouais. Mais c'est qui, celui-là, encore? Vas-y, au standard. Bon, vas-y, Gérard. Alors, est-ce que la femme sont-elles des animaux? Je voudrais répondre, Gérard. Ah, vas-y, réponds. Gratuit! Non. Garfield. Vas-y, réponds. Oui, la femme. Non, la femme ne sont pas des animaux. La femme est une femme. L'homme, c'est l'homme. Mm-hmm. Et les animaux, c'est les animaux. Mm-hmm. Voilà. Je voudrais répondre aussi. Ah non, maintenant je vais me vexer, Gérard. Hein. Si t'arrives pas à prononcer mon prénom. Garfield. Oui. Donc. Gérard. Attends, 5 minutes, s'il vous plaît. Non, mais s'il y a deux noms. Gérard, s'il y a deux noms différents, femme et animaux, c'est peut-être qu'il y a deux choses différentes. Ouais, mais alors moi il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi. Un seul seulement. Non, mais c'est pourquoi que certains mecs prennent des femmes pour des bêtes sauvages. Alors là. Mais quelles hommes? J'aimerais répondre à cette question. Non, non, pour l'instant tu vas pas répondre. Je pose des questions sur les femmes, mais je pense que. Non, non, mais pour l'instant tu vas pas répondre. Qu'un homme répond. Un vrai. Gérard. Gérard, Jérémy peut répondre. Non, mais pour l'instant, Gérard, c'est Elodie, je voudrais répondre. Oui, Elodie. Je voulais dire que la femme est un mélange d'animaux, de plusieurs animaux. Ouais. C'est-à-dire? La panthère. Mm-hmm. On a dit qu'on parlerait de Christine. Bon, lui, celui qui vient. Oh! Oh, Manu, s'il te plaît! Mais Gérard. Celui qui s'amuse à parler de Christine, tu me le sacs, d'accord? Gérard, tu donnes des prénoms d'animaux aussi? Non. J'ai déjà donné comme nom d'animaux petite souris, voilà, c'est tout. Tu appelles les filles ma poule ou ma chatte, ma puce Non, puce, à la rigueur, j'ai donné ça, oui. Ma poule, non. Gérard, oui. C'est Elodie. Oui. Je voudrais poser une question. Je voulais savoir, est-ce que tu as déjà rencontré une femme animale? Non. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la chaussure à mon pied, donc tu vois, j'ai pas encore trouvé la personne avec qui je finirai mes jours. Mais comment tu la voudrais? Tu voudrais qu'elle soit plutôt panthère ou plutôt chasse? Alors là, je vais te dire une chose, tu vois, et qu'importe la personne. Mm-hmm. Bon, maintenant, la personne qui sera prête à vouloir me dire oui. À t'accepter, oui. Mm-hmm. À m'accepter comme elle veut. Donc moi je lui laisse toutes ses chances. De manière, j'ai toujours laissé une chance aux nanas. Il y en a qu'on su les prendre, il y en a qu'on pas su les prendre. Là on vient de me faire deux lapins. Merci grand prince. Mm-hmm. Non non mais c'est qui vient de dire merci grand prince? C'est Garfield. Il y en a qui ont su les prendre, il y en a qui n'ont pas su les prendre. Tant pis pour elle. Ah voilà quoi. Enfin, on a vraiment l'impression que c'est toi le chef, toi le roi. Non non mais. Attends, Elodie, je vais répondre à Garfield. Oui, parce que j'ai une autre question. Mais non, mais attends, tu vas me poser la question de manière, je te répondrai aussi. Mm-hmm. Donc, Garfield, je vais te dire une chose. Là, je viens de me faire poser deux lapins. Ben, on va le savoir, hein, parce que tu lui as vraiment répété beaucoup ce soir. Mm-hmm. Donc, à force de me faire poser des lapins maintenant, je ne crois plus à l'amour. Non, mais attendez, moi je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire une chose. Ça fait deux fois qu'on me pose des lapins. C'était des gros lapins ou des lapins très fins? Non, mais c'est des gros lapins. En me disant par téléphone, oui, je t'aime, je ferme ma vie avec toi. Mm-hmm. Hein? La personne, soi-disant qu'elle est sur Paris, donc je voudrais bien savoir si c'est vraiment réel. Mm-hmm. Elle m'a dit oui, je voudrais que tu sois avec moi à tout, patati patata. Mais tu l'as vu ou pas? Non, j'ai pas encore vu, tu vois. C'est grave, toi. Donc, quel rapport avec l'amour, se faire poser un lapin, t'es quand même pas amoureux de la fille que tu vas voir. Ah oui, mais attends. Non, mais dans ces cas-là, on dit pas au téléphone, oui, je t'aime, je t'aime. Bon, tu te tais, toi, le chum. Moi aussi, je t'aime, Gérard. Donc, Elodie, tu veux me poser une question? Oui, je voulais savoir quel animal dort, parce que en chaque femme, il y a un animal qui dort. Mm-hmm. Alors, je voulais savoir quel animal dormait en Christine. La chatte. De quoi? Quel animal dormait en Christine? La chatte est morte. Attends, tu veux parler de Christine? La moule. Non, attends, Elodie. Oui. J'ai cru entendre Christine. Oui, mais c'est juste une question parce que je t'explique. Non, mais alors, moi, je veux dire, une chose, tu vois. Christine. Non, mais alors là, tu me parles plus de Christine, d'accord? Oui, mais c'est juste une question, Gérard. Non, tu sens sa question. Ouais. Donc, alors, le temps que tu as pressé, je vais demander à Stéphanie. Oui. Je vais demander à Stéphanie si elle a une question à me poser. Oui, je vais te poser une question. Je comprends pas que tu puisses écouter une nana que tu connais pas te dire je t'aime. On dit pas je t'aime comme ça quand on connaît pas la personne. Je t'aime à l'italienne. Je t'aime à la grecque. Stéphanie, s'il te plaît, c'est que t'avais une question à me poser, oui. Je vais te répondre. Oui, bah oui. Moi, franchement, je te dis ça pour toi, Gérard, mais tu te fais avoir en beauté, quoi. Mm-hmm. Tu peux pas dire je t'aime à quelqu'un que tu connais pas. Ouais, mais... Si on peut, regarde, je t'aime. Stéphanie. Oui. Donc je vais répondre. C'est qui là? Allô, je t'aime à l'allemande. Je trouve que c'est parce que le fait que Christine s'est crachée à la gueule, c'était pas un moyen. Bon, moyen de se vexer, quoi. Donc Stéphanie. Oui, je t'écoute. Donc tu me disais pourquoi que la personne m'a dit je t'aime, moi je lui dis je t'aime. Oui, non, que la personne t'a dit qu'elle t'aime. Je sais pas, je vois pas comment tu peux la prendre, sachant que tu l'as jamais vue. Je t'aime à l'italienne. Elle peut pas t'aimer, cette personne, si elle t'a jamais vue. C'est comme il y a des gens qui les amassent, je t'aime, Christine, tu la considérais comme un animal ou pas? Alors là, comme une panthère. pour la caméra. Là, je vais te dire une chose que là-dessus, je ne répondrai pas. D'accord. Et on met pas « Mon cœur te dit je t'aime », on met « On s'embrasse, on oublie tout, oublie tout ». Ah, ah ben oui, « On s'embrasse, on oublie tout ». Je joue pas comme ça. Allez, j'arrête. Donc Gérard, c'est à toi. Non. Bon alors c'est Gérard. Bon Gérard. Gérard, on est à l'antenne. On est un tout petit peu à l'antenne. Gérard, on est à l'antenne. On est à l'antenne. Non, mais bon. Et Gérard, je crois que tu oublies quelque chose, Gérard. Ouais. Non, tu t'en fous pas. Il y a des gens qui. Si. Non. Je t'en aurai une. Non, mais c'est bon. Non, mais non, c'est pas bon. Gérard, je t'annonce tous les nouveaux auditeurs, d'accord? Bon, alors calmement. Il y en a un, le premier, je sais pas comment il s'appelle, c'est un nouvel auditeur. Bonsoir. Il y a Chantal, on a Garcimore, on a. On a Elodie, on a. Salut. Monsieur Mazur. Bonjour, Monsieur Mazur. Monsieur Mazur, je suis un grand fan. Alors attendez, Gérard, il a rien dit pour moi, monsieur. Oui, j'en ai pour 5 secondes, si vous pouvez me laisser parler. 5 secondes, même pas. Bon, alors, 5 secondes, monsieur Mazur. Voilà, monsieur Gérard. Ouais, mais alors, maniez-vous. En fait, c'était grosse caisse. Bon, alors, monsieur Mazur, dehors. Bon, Stéphanie, tu voulais me poser une question. Attends, mais oui. C'est grosse caisse. C'est la grosse caisse. Ouais. Bien fait pour sa gueule. Donc, ouais, attends, il y a pas loin que t'ailles au sondage. Oh, t'as... mais tu la fermes un peu. Bon, ouais. Alors, tu dégages. Allez, hop. Bonne nuit aussi à on toi. On respecte Gérard. Voilà. Alors, de quoi on parlait, Gérard? Je m'en rappelle plus. Gérard, la question de ton père est-elle un animal domestique? Je vais le faire parce que apparemment ça a l'air trop dur pour toi, Gérard. Voilà. Donc, mais avant, j'aurais... Gérard. Il y a un nouveau là qui est arrivé. On a un nouveau. À la place de Mazur, on a un nouvel auditeur. Ok. J'ai pas eu le temps de demander son prénom. Non, moi j'arrête. Enfin, je n'ai pas commencé encore. Hey, Caramel, t'es trop un boss. J'ai rien dit. Gérard, ouais, mais arrête quand on t'envoie. Bonsoir tout le monde, bonsoir les filles. Bonsoir Paris, bonsoir Monique. Bon, il dégage Caramel. Non, mais j'ai rien dit. Alors il reste là, Caramel. La clope. J'ai rien dit. Laissez Caramel dire ce qu'il a à dire, allez. Non, mais rien que d'être à l'antenne, t'envoies une mauvaise onde. D'accord. Bon, Gérard va revenir, là, il est parti éteindre quelque chose. Ok. C'est sympa, hein, il s'en va. Ça. Ouais, je crois qu'il s'en fout. Ouais. Bon, Gérard. Gérard. Papa. Il assure pas, Caramel, là. Moi, je voudrais intervenir. Allô. Ça fait que la vendredi, là, le coup. Caramel. Allô, c'est Caramel. Caramel. Salut, Caramel. Laisse-moi intervenir. Alors, tout d'abord, on va laisser parler Caramel. Merci. Alors, tout d'abord, je voudrais intervenir sur, sur le premier débat. Gérard, reviens. Pour l'instant, je voudrais que Stéphanie se termine avec la question. Non, tu la fermes. Stéphanie, Caramel. Caramel, tu dégages. Mais non, j'ai rien dit. Tu peux parler quand même, Stéphanie, je peux. Ouais, mais moi aussi, je vais. Alors, moi, je voulais juste. D'abord, je voudrais intervenir sur le premier débat. S'il te plaît. Allez, Gérard. On était en pleine conversation sur le je t'aime qu'on t'avait. qu'on t'a posé. Mais non, on veut la prochaine question, Gérard. Oh, mais c'est trop loin du débat. Attends, vous laissez Stéphanie parler, elle avait une question à me poser. Non, c'est toi, Stéphanie, t'avais une question à me poser. Oui, c'est sur tes deux lapins. Parce que Caramel aussi après, hein. Oui. Putain, mais il va fermer Caramel ou quoi? Il est chiant, lui, là. Il est gentil, Caramel, arrêtez. Mais Caramel, il est doux. Merci, il est doux. Oh, ta gueule, il est beau, tu nous emmerdes. Bon, allez, hop. Conclusion. Allez hop, conclusion. Alors, la conclusion, la conclusion, c'est caramel. Caramel, premier débat. Conclusion. Mais non, caramel. Est-ce que la mode, c'est bien? Non, tu fais conclusion du deuxième débat. Eh ben moi, je voulais dire d'abord que abandonner les animaux de temps en temps, ça fait du bien. Allez, parce que ça fait du bien sur le bord de la route. Par contre, c'est dommage, c'est qu'on en abandonne trop sur l'autoroute A6. Il ne faut pas négliger l'autoroute A13. Et là, il y a une dépêche. Le parc zoologique de Suresnes a retrouvé il y a 2 semaines plus de 23 chiens qui ont été enlevés à leur propriétaire. Ils portaient tous sur leur collier un numéro de tatou encore inconnu à ce jour. Eh ben, c'est bien. Eh ben, dans ce cas-là, la conclusion, c'est que vous me faites sur le deuxième débat. C'est terminé. Il n'y a plus de. C'est terminé. Le débat est clos. Gérard. Le débat est clos. Gérard. Bon, Gérard, allez. Gérard, mon pote. Carmel, t'as qu'à continuer le débat à la place de Gérard. Bon. Bon, mais Gérard, laisse-la vivre, Stéphanie, et pose tes questions. Mais je sais même pas ce qu'il veut dire. Gérard, oui. Mon tendre Roméo. C'est qui ça? C'est Elodie. C'est Caramel, hein, je suis là. Non, Caramel, tu es mon tendre Caramel. Oui. Putain, mais c'est pas vrai! Et comment, Caramel? Ah bah moi, je suis plutôt 1m70. J'ai l'air très efféminé, mais j'adore les filles. Ah, 1m70, c'est pas très grand. J'adore les caresses, j'adore caresser les chattes. Ouais, t'es très câlin. Ouais, je suis très câlin. Attends, Gérard? Mais j'ai très bien le cul à Gérard, hein. Et Gérard, s'il te plaît, physiquement, donc. Eh ouais, j'ai un petit vide, donc je vois ta gueule. Ah ouais. T'es content? Sur Minitel, y'a moi. C'est vrai qu'avec tes cheveux crades. Attends, enculé, t'es un con. Non! Abandonné par un homme de 36 ans, mais dans une boîte le vendredi soir et dans les chiottes. Oh, c'est la loco. Gérard. Bon, bah c'est Caramel, je m'en vais, hein. Ah non, reste bon. Caramel. Alors, ouais, c'est grosse caisse, j'ai un truc important à dire. Oui, grosse caisse. Vas-y. Gérard. Tu vas prendre forcé, toi. Gérard. C'est. Gérard. Non, là, c'est Caramel. Non, là, oh, c'est pas grosse caisse. Caramel, tout le monde. Et on pose une question. Vera, mon tendre Roméo. Vera, tu l'as déjà faite celle-là, Elodie. Bon, j'ai. Oui, moi j'arrête. Ça y est, Gérard. Vas-y, pose ta question, on y retourne. Non, mais maintenant tu me laisses Elodie. Ouais. Elodie. Elle est là. Elle est là. Gracile. Non, elle est pas partie. Ben non, je suis Chantal, moi. Chantal, bon bah il y a Chantal. Il y a Chantal. Stéphanie. Ok. Alors Stéphanie. Oui. Ah oui. Je sais plus, qu'est-ce que tu m'avais posé comme question. Je m'en fous. Arrête de foutre le bordel comme ça. Pour l'instant, vous allez vous la fermer les deux autres. Stéphanie avait une question à me poser avant la pause. Oui, parce qu'elle ne l'a pas posée. Oui, parce qu'on discutait de ces deux lapins qui vont être déposés aujourd'hui. Comment? C'est ça qu'on discutait. Caramel, là, c'est... Parce que j'ai deux questions, celui-là. Caramel. Je suis avec Stéphanie, je suis dans la même... C'est Max qui s'amuse avec son téléphone. J'ai rien compris, là. Comment ça, c'est Max? Non, Caramel, à l'appareil. Il sort d'où, lui, encore? Je suis avec Stéphanie, là. Il est obligatoirement avec une des filles, puisqu'il n'y a que les filles. Non. Il est chez Stéphanie. Avec Stéphanie. Oui. Elle dit que oui, Stéphanie. Écoute-la au moins. Oui, tu m'attends le micro, toi. Un peu vous pétier, je raccroche. Eh ben, raccroche. Gérard, c'est pas vrai. Gérard. Bizarre ce caramel, ouais. Là, tu m'éteins ton bordel, là. Je t'éteins quoi? Bon, Gérard, mon petit lapin, je vous ai une question. Vous avez pris ça coûte? Non, mais toi, pose une question, je sais pas, gère ton débat. Gérard, c'est quoi la question, là, merde? Gérard, la panthère est-elle un animal domestique? Gérard, non, pas du tout. Pose une question, finis le débat, il faut avancer un petit peu, Gérard. Pose une question, il n'y a que les filles. Vas-y, pupus. Alors, les pitbulls est-il domestique? Les pitbulls? Bah ouais. Bah oui, tout à fait. Bah ouais, pourquoi ça? Gérard. Petite bête. Moi, je connais plein, ils sont tout à fait... Gérard, je peux répondre? Qui? C'est Elodie. Elodie, je t'écoute. C'est mon petit trésor, Vera. D'après un sondage, il est dit que tous les petits mangent leur bête. Félicitations, c'est toi qui joues le con. Vera. Ah, c'est pas mal derrière. C'est bizarre, tu vois, t'arrêtes là. Vera, tu m'écoutes? Oui. Selon un sondage, il dit que tous les petits mangent leur bête. Qu'est-ce qu'il me fait là? Mais écoute là. Allô, il m'a tout arrêté. Bah, tu fais les watts, fais la techno, putain, je sais pas, moi, fais bouger tout ça. Ça, je suis cool, mets de la techno, Zéra. Allez, on appelle tous Zéra. C'est quoi, ça? Zéra. Bon, allez, hop, conclusion. C'est Bildar. C'est Bildar à côté. Conclusion. Ouais, Zéra, je voulais poser une question. Zéra. Bonjour, Bildar. Zéra, c'est Elodie. Ouais, on va poser une question. Vas-y, vas-y, Elodie, pas ta question. Je voulais savoir, ton chat, le chat que t'avais, ouais. Tu fais de le laver. Comment ? Est-ce qu'il t'arrivait de laver, de lui faire prendre des... Parce que les chats adorent ça. Non. Mais attends, Elodie, tu reposes ta question. Je voulais savoir, le chat que tu avais. Sans coupure. Le chat que tu avais. Bonne nuit à tous, tu me gardes. Allô, Gérard. Gérard. Oh, Gérard. C'est Gérard Gérard. Gérard. Est-ce que t'es très poilu, Gérard? Est-ce que t'es poilu, Gérard? Gérard, t'es poilu? Allô, ici Garcimard à l'appareil. Salut Garcimard. Salut tout le monde. Salut. Je vais te poser une question à Gérard. Ouais. Je voudrais savoir si c'est vrai que t'as joué les chiens battus dans Les Visiteurs 2. Non, mais c'est bon. On attend la conclusion. Conclusion. Gérard, t'as pas répondu à ma question. Conclusion. Vous êtes méchant avec Gérard. Gérard. Non, c'est conclusion maintenant, allez hop. Gérard. Conclusion. Ouais, mais qui aime bien, châtie bien, c'est pour ça qu'on aimait. Gratuit. Bah ouais, je sais qu'on l'aime beaucoup, en fait. Gratuit. C'est Max à l'appareil. Oui, bah. On fait la conclusion, il est 58, on va rendre l'antenne, donc chacun votre tour, s'il vous plaît, il n'y a plus de questions pour Gérard. Gérard ne pose plus de questions. Conclusion, donc sur ce débat, on va commencer par. Gratuit. Graphil. Il n'y a pas de Graphil. Il y a Chantal, éventuellement. Chantal, vas-y. Eh ben, écoute, mon poussin bleu doublé d'un petit lapin. À qui tu parles? Quoi? À Gérard. Bah, bien sûr, à Gérard. Moi. Ah, c'est quoi cette histoire de gratte, là? Bon, Gérard, je fais ma conclusion. Écoute, je suis allergique aux animaux, donc si tu veux, ça m'intéressait pas des masses, c'était juste pour te parler. Et donc, voilà, c'est tout. C'était marrant. On s'est un peu tous parlé les uns sur les autres, mais c'était sympathique. Voilà. Bah, sympa à cause de toi, hein, parce que si vous aviez pas parlé les uns sur les autres, ça serait horrible. Non, moi, j'ai pas parlé sur les autres, Gérard. Je vais donner ma conclusion. Bonne nuit à toi, Chantal. Bonne nuit, Max. Elodie. Oui, la guitare, Pildar. Gérard. Hilda, merci, on n'entend rien. Gérard ? Oui ? Mon petit trésor. C'est qui ? C'est Elodie. Ouais, je t'écoute. C'est dire ouais ? Tu vas dégager vite fait avant ta conclusion. Vas-y, arrête de donner des commentaires de 10 secondes, vas-y. Je voulais tout simplement dire qu'en fait, la femme est un mélange d'animal. Voilà, ma conclusion. D'accord. C'est-à-dire une grosse chienne avec une chatte ? Voilà, exactement. Mmh. D'accord. Stéphanie ? Oui, alors Gérard, bah, tout d'abord, je te remercie d'avoir fait participer au débat. Mmh. C'était super sympa. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu énormément d'appels ce soir, on doit le dire, c'est un peu encore grave et vous avez eu bien de la chance qu'on a eu je sais pas combien de milliers d'appels ce soir. Bah ouais, non, mais c'était quand même sympa quoi, malgré que c'est vrai que tout le monde se parlait un peu dessus, mais bon, sur ce, bah, je voulais faire un gros bisou à Max quand même. Merci. Et puis lui dire vendredi prochain. Voilà. Ah, d'accord, ok. Tu viens pas pour Halloween? Hein? Tu viens pas pour Halloween? Non, je peux pas, j'ai pas de. D'accord, pour, Gérard sera déguisé, hein, il viendra comme d'habitude tout naturel. Ok, d'accord. T'inquiète pas, tu quittes pas, je sors pour l'antenne comme je t'avais dit tout à l'heure. D'accord, ok. Le cadeau empoisonné. Garcimore. Allô? Garcimore, on t'écoute. Ouais, moi je voulais dire que Gérard c'est une grande star et que c'est super ce qu'il fait et que. Ouais. Et vive-toi, Gérard, je t'adore. Non, mais tous les gens t'aiment bien. Mmh. Je t'adore, t'es mon idole depuis toujours. Ok. Et puis le débat, c'était super, malgré que t'es quand même une voix de peps, mais sinon ça va quoi. C'est ça. Merci pour le mensonge. Voilà. Ok, merci à toi. Bon, on n'a plus personne. Non. Alors Gérard, ta petite conclusion, alors d'abord sur la mode, est-ce qu'on peut avoir ta petite conclusion concernant la mode? C'est le premier débat sur la mode, c'est bête parce que. Parce que. Ça s'est terminé vachement vite. Vite. Une parodie pour Gérard quand même. Je l'avais promis. Ça a été promis ce soir. La parodie. Francis Cabrel ou Nirvana, devant les yeux, regardez, elle est là. Ah d'accord, même autre chose, un remix ou un truc, autre chose. Non, j'ai dit la parodie. Alors, on les trouve pas, on n'arrive pas à le caler le CD, malheureusement, il y a un problème technique. Donc pour les débats sur la mode, tu disais que. Ben c'était bien, bon hein, tout le monde a bien répondu, toutes les nénas. Non mais toi, pas, je te demande pas. Moi personnellement, la mode, on sent que tu la suis pas. Personnellement non, parce que ça dépend. On le voit tout de suite. Non mais ça dépend des nanas, comment qu'elles s'habillent. Non mais toi, la mode, tu la suis ou pas? Personnellement. Tu as du mal à te rattraper apparemment. Ben de manière moi. Depuis que tu m'as dit en jean, j'étais mieux. Ouais, je te grattais la jambe devant moi. Je me gratte le gland, là. Donc, bon, bah, depuis que tu m'as dit que j'étais mieux en jean, et ben, ouais. Maintenant. C'est des filles qui m'ont dit ça à la loco, donc j'ai voulu te le dire, voilà. Et le deuxième débat, donc, sur les animaux. Le fait qu'on abandonne les animaux sur le bord de l'autoroute l'été. Je trouve ça un peu horrible.